j'aime savoir à qui je parle. Les yeux dans les yeux, j'ai le regard de feu. Je veux avoir le dessus, savoir que t'es ému quand t'écoutes mes histoires, que tu deviens jobard. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. L'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme. J'ai tout vu, j'ai tout fait, j'ai tout inventé. Et toi d'où tu viens, c'est moi qui t'ai enfanté. Je peux décrocher la lune si tu me le demandes. Mais va pas croire que tu vas intégrer ma bande. Je suis le plus beau, le plus gentil, le plus intelligent. Je jouais dans la cour des grands. J'ai travaillé dur avec les meilleurs sentiments. Sans toi que tu n'en veux qu'à mon argent. L'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme, l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'homme qui a vu l'ours.